Alphonse Allais, dans la section Humour, voici Le Fait divers, lu par Alain Bernard, illustration musicale, Lignocienne d'Éric Satie, licence Musopen. Jeudi dernier, les époux H se rendaient au théâtre Montmartre pour assister à la représentation du vieux caporal. Ils avaient laissé leur domicile sous la garde d'un petit chien fort intelligent qui répond au nom de Castor. Si l'homme est véritablement le roi de la création, le chien peut, sans être taxé d'exagération, en passer pour le baron tout au moins. Castor en particulier est un animal extrêmement remarquable, dont les époux H ont dit à maintes reprises: Castor, nous ne le donnerions pas pour 10 000 francs, quand ce serait le pape qui nous le demanderait. Bien en a pris aux époux H de cet attachement. Ces braves gens n'en étaient pas plus tôt au deuxième acte du vieux caporal que des cambrioleurs s'introduisaient dans leur domicile. Castor, occupé en ce moment à jouer au bouchon dans la cuisine, entendit le bruit, ne reconnut pas celui de ses maîtres, le pas bien entendu, et se tapit dans un coin, l'oreille tendue. Une minute plus tard, sa religion était éclairée. Nul doute, c'était bien des cambrioleurs qu'il avait affaire. À l'astuce du renard, Castor ajoute la prudence du serpent, jointe à la fidélité de l'hirondelle. Seule la vaillance du lion fait défaut à ce pauvre animal. Que faire en cette occurrence? Une angoisse folle étreignait la gorge de Castor. Aboyer! Quelle imprudence! Les malandrins se jetteraient sur lui et l'étrangleraient tel un poulet. Se taire, s'enfuir, est le devoir professionnel. Une lueur probablement géniale inonda brusquement le cerveau de Castor, sortant à pas de loup, ce qui lui est facile, ataviquement, le chien descendant du loup. Castor se précipita vers une maison en construction, sise non loin du domicile des époux H, saisissant dans sa gueule une des lanternes, éclairage levant, ainsi nommé parce que la moindre brise suffit à son extinction. Castor revint en toute hâte vers le logement de ses maîtres. La ruse eut tout le succès qu'elle méritait. Les cambrioleurs, apercevant de la lumière dans la pièce voisine, se crurent surpris et se sauvèrent par les toits. Les cambrioleurs se sauvent toujours par les toits dès qu'ils sont surpris. Il serait impossible de rendre la joie de Castor à la vue de la réussite de sa supercherie. Quand ses maîtres rentrèrent, ils le trouvèrent se frottant encore les pattes de satisfaction. « Et il y a des gens qui disent que les bêtes n'ont pas d'âme. Imbécile, va !» Loufoquerie. Cet homme me contemplait avec une telle insistance que je commençais à en prendre rage. Pour un peu, je lui aurais envoyé une bonne paire de soufflets sur la physionomie, sans préjudice pour un coup de pied dans les gencives. « Quand vous aurez fini de me regarder, espèce d'imbécile, fis-je au comble de l'ire. » Mais lui se leva, vint à moi, prit mes mains avec toutes les marques de l'allégresse affectueuse. « Est-ce bien toi qui me parles ainsi ? » dit-il. Je ne le connaissais pas du tout. Il se nomma. « Edmond Tiroir. »« Comment m'exclamai-je ? C'est toi, mon pauvre Tiroir ? Je ne te remettais pas. Mais pardon, si j'ose, n'étais-tu point dans le temps blond avec des yeux bleus ? C'est juste. Je me suis fait teindre les cheveux et les yeux. Suis-je pas mieux en brun ? Ce pauvre Tiroir, j'étais si content de le revoir depuis le temps. » Et nous égrénâmes les souvenirs du passé. Et machin, et un tel, et chose. Hélas, que de disparus. Tiroir et moi, nous étions dans la même classe au collège. Je ne me rappelle pas bien lequel de nous deux était le plus flemmard. Mais ce qu'on rigolait. Il mettait au pillage la maison de son père qui était quincaillier, et nous apportait chaque matin 1000 petits objets utiles ou agréables. Des couteaux, des vis, des cadenas, des aimants. J'adorais les aimants. Moi, en ma qualité de fils de pharmacien, je gorgeais mes camarades d'un tas de cochonneries, des pâtes pectorales, des dattes. Entre-temps, j'apportais des seringues en verre, aux joies, et des suspensoires qu'on transformait en frondes. Un jour, mon Dieu, ai-je ri ce jour-là, j'arrivai muni d'une boîte de biscuits dont chacun recelait, si j'ai bonne mémoire,

Sur ces entrefaites, l'architecte arrivait au chantier. La dernière phrase du vieux campagnard le fit légèrement pâlir. Si c'était vrai, pourtant, qu'on l'eût bâti sur son champ. Le plus comique, c'est que la chose était parfaitement exacte. Le pauvre architecte s'était trompé de terrain et il avait construit sur le champ du nommé Fabrice pour 50 000 francs de bâtiment au compte d'une grande sucrerie voisine. On allait en faire une tête à l'administration quand on apprendrait ça. L'architecte esquissa le geste habituel des architectes qui n'emmènent pas large. Il se gratta la tête et le nez alternativement. L'indignation du campagnard allait croissant. « Je suis le nommé Fabrice, et personne n'a le droit de construire sur mon bien. Personne. »« Effectivement, » balbutia l'architecte, « il y a erreur, mais elle est facilement réparable. Nous allons vous donner l'autre champ, le nôtre. Il est d'égale surface et je n'en veux point de votre champ. C'est le mien qu'il me faut. Vous n'avez pas le droit de bâtir sur mon bien, ni vous ni personne. Je vous donne 8 jours pour démolir tout ça et remettre mon champ en état. Et puis, je demande 3 000 francs de dommages et intérêts. » La discussion continua sur ce ton. Le pauvre architecte, qui en menait de moins en moins là, s'efforçait de convaincre le nommé Fabrice. Le vieux paysan ne voulait rien savoir. Il lui fallait son champ débarrassé des saloperies de bâtisse et en plus 3 000 francs d'indemnité. Le propriétaire de la sucrerie, informé de cet étrange malentendu, arriva vite et voulut transiger. Le nommé Fabrice était buté. En marchanda, 5 000 francs d'indemnité. Non, ma terre. 10 000. Non, ma terre. 20 000. Non, ma terre. Ah, zut, nous plaiderons alors. Malgré la bonne volonté des juges, on ne put découvrir dans le code le plus mince article de loi autorisant un sucrier à bâtir sur le champ d'autrui, même en l'indemnisant après. Le sucrier fut condamné à remettre le bien du nommé Fabrice dans l'état où il l'avait pris. Les considérants du jugement blâmaient la légèreté de l'architecte, et surtout la mauvaise foi évidente et la rapacité du nommé Fabrice. Le nommé Fabrice riait sous cape. Il alla trouver le sucrier. « Écoutez, fit-il, je ne suis pas un méchant homme. Donnez-moi votre champ et 40 000 francs et je vous fous la paix. » Le plus tard, le caissier raconta que le nommé Fabrice, en signant son reçu de 40 000 francs, avait murmuré. « C'est égal, hein? Faut avoir un rude toupé tout de même. » On ne sut jamais si c'était de lui qu'il voulait parler ou d'un autre. D'Alphonse Sahé, le bahut Henri II. Nous en étions arrivés à ce moment du dîner où se produit ordinairement l'explosion des sentiments généreux. D'un commun accord, nous flétrîmes l'esclavage. La question avait été mise sur le tapis par un gros garçon que l'on prétendait être un fils naturel de Monseigneur de la Vigerie. Le fait est que l'extrême rubiconderie de son teint semblait dériver immédiatement de quelques pourpres cardinalis. Ce dîner était un dîner joyeux, composé de quelques Portugais, lesquels, ainsi que l'affirme un proverbe arabe, n'engendrent jamais la mélancolie. Il y avait là le major Saligo, Etimeo Danaos, et Donia Ferentes, la seule dame de la société, et Sinon, et Véro, et Ben Trovato, et quelques autres que j'oublie. En fait de français, l'écarlate bâtard, le lieutenant de vaisseau, bec dans l'eau, et moi. J'ai dit plus haut que nous flétrissions l'esclavage d'un commun accord. Cela n'est pas tout à fait exact. Bec dans l'eau ne flétrissait rien du tout. Bec dans l'eau semblait pour le moment étranger à toute indignation. Ce fut la belle Donia Ferentes qui s'en aperçut la première. « Eh bien, capitaine, fit-elle, de sa jolie voix andalouse, ça ne vous révolte pas, ces hommes vendus par des hommes, ces hideux marchés d'Afrique ?»« Je vous demande 1000 pardons, seigneura, répondit l'homme de mer. Je me sens indigné au plus creux de mon être, mais ma conduite passée m'interdit de me joindre à vous pour conspuer publiquement ces détestables pratiques. » Après un silence, il ajouta, « Moi qui vous parle, j'ai vendu un homme. Ce souvenir ne semblait pas torturer à l'excès notre ami bec dans l'eau, car il éclata d'un rire auquel le remords n'enlevait rien de sa joyeuse sonorité. « Vous, capitaine, vous, l'honneur de la marine française, vous avez vendu un homme ?»« J'ai vendu un homme, » insista bec dans l'eau, toujours gai. « En Afrique ?»« Non, pas en Afrique, en France. »« En France ?»« Parfaitement. » »« Et même mieux, à Paris. » »« À Paris ?»« Parfaitement. » Et même mieux, à l'hôtel des ventes, rue de Rouault. Du coup, nous jugeâmes que l'intrépide marin se gaussait de nous. Le fils naturel de monseigneur de la Vigerie se fit l'écho de tous. Vous payez notre poire, capitaine. Sans s'arrêter à cette apostrophe triviale, bec dans l'eau reprit. Oui, seigneura, oui, messieurs, j'ai bazardé un bonhomme à l'hôtel des ventes. Ce n'est même pas une brillante opération que j'ai faite là. J'ai perdu 350 francs. J'ai bien rigolé. Un point d'interrogation se peignit sur chacune de nos faces. Contez-nous cela, ordonna Ferrantes. Un marin français n'a jamais rien refusé à une grande dame andalouse. Le fait est bien connu. Je passe sous silence le cigare classique qu'alluma le conteur, les spirales traditionnellement bleuâtres qu'il contempla un instant, et j'arrive au récit de bec dans l'eau. Il y a de cela 3 ans, j'arrivais du Sénégal avec un congé de 6 mois de convalescence et bien disposé à en profiter largement. Un petit héritage que je venais d'accomplir me permettait de bien faire les choses. Je louais rue Brémontier, un rez-de-chaussée, que je meublais fort gentiment, ma foi, et me voilà parti pour la vie joyeuse. Un soir, au jardin de Paris, je fis connaissance d'une jeune femme qui me plut énormément. Pas étonnamment jolie, mais d'une distinction et d'un charme, très réservée avec cela, et ne ressemblant nullement à toutes ces marchandes d'amour qui peuplaient l'endroit. Elle me raconta une histoire à dormir debout, dans laquelle je coupais d'ailleurs comme un rasoir. Fille d'un général, élevée à Saint-Denis, père remarié, belle-mère acariâtre, scène continuelle, existence impossible, fuite, malheur, envie de suicide. Le tout accompagné de larmes furtives qu'elle essuyait fréquemment avec un mouchoir sentant très bon. Ce qui suivit, vous le devinez tous, n'est-ce pas? J'emmenai la jeune personne chez moi, l'installai, la lotis d'un amour de petite femme de chambre. Bref, je fus bon avec elle, comme s'il en pleuvait, et discret et bien élevé. Tout à fait charmant, vous dis-je. Je la laissai seule presque toute la journée, ne venant l'acquérir que le soir, vers 6 heures, pour dîner, aller au théâtre, au concert. Elle semblait cette prise pour moi d'une ardente passion, et me répétait souvent. Quand vous me quitterez, mon ami, je me tuerai. Diable ! Je commençai à devenir sérieusement inquiet de la tournure que prenaient les choses quand un matin, l'amour de petite femme de chambre me remit un billet qu'elle me pria de lire plus tard dans la journée. Monsieur, disait le billet, n'a pas idée de ce que madame se fiche de monsieur. Monsieur n'a pas plutôt les talons tournés que madame reçoit une espèce de gigolo qui marque bigrement mal. Au cas où monsieur rentrerait brusquement, ce qui est déjà arrivé une fois. L'affaire est arrangée. Le gigolo se glisse dans le bahut Henri II qui sert de coffre à bois pendant l'hiver. Madame donne un tour de clé au bahut, met la clé dans sa poche et ni vu ni connu. Comme le couvercle ne joint pas très bien et que le bahut est très grand, le gigolo n'est pas trop mal pendant que monsieur est là. Pour être sûr de piéger le gigolo, venir de préférence vers 2 heures de l'après-midi. Marie ? D'abord, je me refusais à croire à tant d'infamie. Et tout de même, c'était là, vers 2 heures. Une mimique expressive de l'amour de petite femme de chambre m'apprit que j'arrivais bien. Hélène, vous ai-je dit que la personne s'appelait Hélène ? Hélène me reçut avec le plus enchanteur de ses sourires et la plus calme de ses physionomies. Quelle bonne fortune de vous voir à cette heure ! La clé du bahut n'était pas sur la serrure. Une grosse clé en fer forgé de l'époque, assez malaisé à dissimuler. Quelques privautés manuelles m'apprirent à n'en pas douter que la clé se trouvait dans une des poches de la belle. Donc plus de doute. Comment l'idée me vint de faire ce que je fis en cette circonstance? Je n'en sais encore rien. Une lueur de génie, sans doute. J'envoyai Hélène m'acheter une cravate chez un chemisier de l'avenue de Villiers, prétendant qu'elle seule saurait la choisir à mon goût. Pendant son absence, et en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, j'arrêtai une voiture, aidé d'un commissionnaire, je charge le bahut Henri II et en route pour la salle des ventes.